Bonjour et merci d'être fidèle à notre série historique. Dans le précédent podcast, nous avons vu comment Clotaire II, devenu roi de tout le Regnum Francorum en 613, à la mort de Thierry, roi d'Austrasie et de Burgondie, de ses descendants et à la mort aussi de la reine Brunehaut, n'a jamais su s'imposer complètement comme le roi légitime du royaume franc. D'une part, parce qu'il planait un doute sur le fait qu'il fût vraiment le fils de Chilpéric et de Frédégonde. Et d'autre part, parce que l'aristocratie militaire et ecclésiastique d'Austrasie, qui s'appuyait sur un fort sentiment identitaire austrasien, voyait un intérêt à cette situation pour réclamer des avantages et des privilèges. C'est ainsi qu'ils exhortent au roi Clotaire, la fameuse décrétion de 614, qui, à l'inverse du centralisme royal organisé par la décrétion de Childebert de 595, organise au contraire le système décentralisé, féodal, au profit des grands d'Austrasie et de l'Église. Celle-ci retrouve d'ailleurs une complète autonomie concernant la nomination des évêques, prérogative qu'elle devait partager jusque-là avec le pouvoir royal depuis le Concile d'Orléans de 511. Fils de la reine des Francs et femme légitime de Clotaire, Bertrude, Dagobert, qui est donc le sujet de ce podcast, naît aux environs de 605. Il est le dernier fils de Clotaire II. Enfant particulièrement difficile et intrigant, son père tente de l'éloigner de la cour, sans perdre le contrôle. Ainsi répond-il favorablement à la demande des grands d'Austrasie d'avoir un roi à eux, en nommant son fils roi d'Austrasie dès 623. Pour Clotaire, il s'agit d'associer son fils au trône en lui donnant un territoire sur lequel il peut s'exercer à son futur métier de roi. D'ailleurs, Clotaire a pris bien soin d'attribuer à son fils un territoire austrasien raboté par rapport à l'original, puisqu'il ne s'étend que des Ardennes aux Vosges. Il fait de même avec le demi-frère de Dagobert, Caribert, qu'il a eu en 603 avec Silchide, sa concubine, dont il fera sa femme en 618 à la mort de Bertrude. Caribert devient roi en devenir de l'Aquitaine. Là aussi, une Aquitaine un peu diminuée par rapport à l'original, dont la capitale est Toulouse. Conscient que Caribert est un peu simplet, il l'envoie avec de nombreux conseillers politiques à Toulouse pour pouvoir l'aider dans sa mission de roi. Pour le reste, Clotaire se méfie de ses fils, mais surtout de Dagobert. Celui-ci n'a pas hésité à se montrer menaçant avec Silchide, au point même d'en arriver aux mains. Il l'accuse d'avoir déshonoré sa mère, Bertrude, en partageant le lit de son père, quand elle n'était que sa concubine. Il faut savoir qu'à cette époque, la monogamie, même chez les rois francs, est bien intégrée, même si elle n'est pas vraiment pratiquée. Pour tenter d'acheter la paix avec Dagobert, Clotaire lui fait épouser Gomatrude. Gomatrude est la sœur de Silchide, et en faisant de son fils le beau-frère de sa femme, malgré les interdits de l'Église, il pense pouvoir mettre fin à cette dissension familiale. Mal lui en prend. Dagobert lui en veut à mort. Et considère qu'en échange de ce sacrifice supplémentaire, celui d'épouser une femme qu'il n'a pas choisie, il demande à Clotaire, son père, de lui donner un territoire plus grand, l'Austrasie telle qu'elle était à l'époque de Thierry, et non pas ce territoire raboté de tous les côtés. Sinon, il aura affaire à lui. Difficile de savoir si Clotaire lui accorde cette demande. En tout cas, sentant qu'il ne contrôle plus grand-chose en Austrasie, Clotaire tente de reconquérir le territoire d'Austrasie militairement en 628. Mais il est vaincu par son fils, efficacement secondé par son maire du palais, Pépin de Landen, et le grand du royaume, Arnulf, son ancien précepteur, les deux fondateurs d'ailleurs de la dynastie carolingienne. Clotaire meurt en 629 et est enterré à côté de son père Chilpéric dans l'église Saint-Vincent, qui devient ensuite l'église de Saint-Germain-des-Prés. Dagobert envisage à cette date de détrôner son frère et de le tonsurer et de l'envoyer dans un couvent. mais il est finalement convaincu par les membres de son entourage de le laisser gouverner son royaume d'Aquitaine. Dès lors, de 629 à 632, Dagobert est roi de la Neustrie, de la Burgondie et de l'Austrasie, car Ibert II n'est roi que de l'Aquitaine. Mais ce dernier est assassiné en 632 par des membres de sa cour, partisans de Dagobert. Son fils Childebert est immédiatement tué. Dagobert ne manifestera aucune pitié. Il est probable que c'est lui qui a commandité le crime. Dans le passé, il a déjà fait tuer Silchid par Clotaire en l'accusant faussement d'adultère en 626. Pour Dagobert, donc, la mort de Charibert est la mort d'un roi illégitime puisque né d'un adultère. À la mort de son père, Dagobert nomme son premier fils Sigebert, roi d'Austrasie, à la demande des grands de l'église austrasienne, selon une tradition bien établie. L'enfant a à peine 3 ans, et il est le fils de Ragnétrude, une austrasienne de bonne famille que le roi aurait rencontrée lors d'une tournée dans son royaume. En nommant un fils issu d'une union illégitime, lui qui a toujours refusé de reconnaître un quelconque droit à régner à son demi-frère Charibert parce qu'issu d'une union illégitime lui-même, Dagobert manifeste par là, peut-être, et je pense sûrement, un mépris à l'égard de ce particularisme austrasien. C'est peut-être pour parer d'ailleurs à cette interprétation de mépris de la part du roi Dagobert que s'est forgée la légende du baptême miraculeux de Sigebert. Légende, évidemment, qui a eu énormément d'écho dans la société austrasienne. En effet, alors que l'enfant d'à peine 4 mois est baptisé dans la cathédrale de Metz, l'évêque, après avoir prononcé la formule sacramentelle, attend de l'assistance qu'elle réponde « Amen ». Mais personne ne prononce le mot. Peut-être embarrassé à l'idée de reconnaître ainsi la légitimité de cet enfant né hors mariage. C'est alors que l'enfant répond « Amen ». Donc l'époque où il était possible de mettre sur le trône un fils illégitime comme Clovis, fille avec son fils aîné Thierry, est révolue. Le mariage à la façon franque, où, à côté des épouses légitimes, se trouvent des concubines qui ont des droits, est révolu. Désormais, le fils légitime devient le seul successeur légitime. Le fils adultère, lui, voit ses droits rognés. D'ailleurs, Dagobert doit avoir en mémoire la fin tragique des fils de Thierry, roi de Bourgogne et d'Austrasie. En 607, alors que Clotaire II est roi de Neustrie et Thierry roi de Bourgogne, donc nous revenons en arrière, en effet, Bruno reçoit à la cour d'Austrasie l'austère Saint-Colomban. Ce moine irlandais est venu lui demander un lieu et des privilèges pour fonder un monastère. Profitant de l'occasion et connaissant sa réputation de sainteté, Brunehault lui présente ses arrière-petits-enfants descendants de Thierry, Sigebert, Schramne, Mérové et Childebert, pour qu'il les bénisse. Non seulement Saint-Colomban aurait refusé de le faire, mais devant l'insistance de la reine, il lui aurait donné sa raison. « Ces enfants sont issus de divers lits, tous adultères. Ils ne régneront donc pas. » Furieuse, elle l'aurait expulsé de Bourgogne en 610, puis d'Austrasie en 613, le forçant à fuir vers l'Italie. En 615, Clotaire, alors roi incontesté de tout le royaume franc, lui aurait demandé de revenir pour être père abbé de l'abbaye de Luxeuil, abbaye que le moine irlandais avait fondée quelques années plus tôt en France. Mais Colomban avait répondu que son destin était de mourir à Bobbio, en Italie, ce qu'il fit quelques mois après la visite de l'envoyé de Clotaire. Ce petit aparté, d'ailleurs, sur Saint Colomban est une façon de jeter le projecteur sur un personnage assez original, venant du nord de l'Irlande, et qui a réévangélisé une partie de l'Europe de façon très efficace, en fondant énormément de monastères. Les moines étaient reconnus par leur habit noir, Et c'est pour ça qu'on les surnommait les moines noirs. Par contre, la règle de Saint Colomban était, disons, moins efficace que la règle de Saint Benoît, puisqu'elle était plus imprécise. Et s'il y avait un chapitre qui traitait des 10 vertus qu'on attendait du moine, il y avait aussi un chapitre moins réjouissant qui concernait en réalité les sanctions que recevait le moine qui désobéissait. Et en voyageant vers le nord de l'Italie, en traversant l'Europe et en allant en direction du nord de l'Italie, c'est-à-dire en direction de régions de plus en plus prospères, où les mœurs, d'après ce moine très austère, étaient de plus en plus relâchées, eh bien, il est probable que sa liste de sanctions se soit allongée de plus en plus. Nous allons voir ensuite en quoi est-ce que Dagobert a été un bon ou un mauvais roi. C'est la suite de notre entretien sur Dagobert. Merci et à bientôt.